Glasgow, samedi 13 mars 2004. J'ai fait un rêve, le plus triste des rêves. C'était la nuit, on faisait la fête dans un club un soir, on prenait des drogues, des acides, des extas. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. On m'a dit que la police est arrivée et qu'ils ont pris Johnny pour l'amener en tôle. Maintenant, il est avec des flics, en prison. Sa copine Kayla et lui m'ont fait sentir que c'était de ma faute. Apparemment, c'est à cause de moi. Quelque chose de maladroit que j'aurais fait. Mais je ne vois pas comment, ni quoi. C'est horrible, je suis désespérée de ne pas savoir ce qui s'est passé. Ont-ils pris Johnny dans un malentendu avec des drogues, peut-être? Va-t-il être jugé, est-ce ma faute? Je ne le sais pas, je ne me souviens plus, ni même dans le rêve. En plus de me trouver dans le plus grand désespoir, en plus, c'est de ma faute. Je ressens indirectement la pression de Johnny et de Kayla. Je ne vaux donc plus rien? Je me sens comme une merde. C'est bientôt l'aube, on saura s'ils vont le lâcher ou pas. Je me sens complètement démoralisée. Johnny, sans vouloir trop le démontrer, est déçu. En plus, il rajoute que demain allait être une belle journée. Je me sens encore pire, j'ai tout gâché. C'est horrible. Je me sens très faible. Je ne peux rien faire et cela me fait encore sentir pire et inutile. La seule chose que je sens que je devrais faire, c'est lâcher toute mon appréhension envers Johnny. Kayla décide d'agir avant que ce ne soit trop tard. Dans l'urgence, elle bouge un petit lit simple. Elle enlève le matelas pour mettre le sommier dans le coin de la chambre. Elle appelle son père de ma part, c'est un avocat. Tous les espoirs que j'ai sont en elle. Je lui ai permis de parler de ma part pour sauver Johnny. Elle parle avec lui et lui dit que ce n'est pas la maison, mais c'est lui, Johnny. J'espère que ce n'est pas trop tard. Bientôt ce sera l'aube, mais je me réveille avant de savoir quel est le verdict.